En cette situation, j'éteins mes feux. Réponse A. J'accélère. Réponse B. Je mets le pare-soleil. Réponse C. Je mets mes lunettes de soleil. Réponse D.